8h20, c'était La conscience collective avec la pièce Télédivision. Connaissez-vous vraiment vos amis Facebook? Je vous pose la question ce matin parce qu'il y a une entreprise de café bien connue, Nescafé, qui nous propose une expérience assez originale sur le web. Et on va en discuter à l'instant avec Patrick Dion. Je vous rappelle qu'il est auteur et chroniqueur web. Bonjour Patrick. Bon matin. Je t'avoue que ça a été un de mes coups de cœur dans tes sujets d'hier, là, cette initiative de Nescafé. Nescafé France. Nescafé ici est un peu moins connu, mais en fait surtout connu pour sa poudre qui a de l'air du café. Instantanée, oui. Voilà, mais en France, c'est très, très connu et ils sont très présents sur les réseaux sociaux. Ils ont lancé hier une nouvelle web-série qui s'appelle Really Friends. Comme on le voit, c'est très, très français, as usual. C'est basé sur le principe que les vraies rencontres font les vrais amis. Donc, Nescafé a donné la mission à un certain Arnaud, un Français tout ce qu'il y a de plus ordinaire, qui a 1200 amis Facebook. Il lui a donné la mission d'aller vérifier si ses amis Facebook étaient vraiment ses vrais amis dans la vie. Donc, il est parti pendant 2 mois avec 3 caméras GoPro en main pour les rencontrer à l'improviste en arrivant comme ça chez eux avec 2 tasses de café à la main. Donc, il rencontre des amis perdus de vue, des anciens compagnons d'école, des ex, des nouvelles flammes, un fantasme, puis même des gens, et j'ai trouvé ça super intéressant, des gens avec qui il est ami Facebook, mais qui a aucune idée c'est qui. Donc, grâce à la taille de ces caméras-là, on pourrait s'attendre à un gros stunt publicitaire, mais justement, grâce à la taille des GoPro qui sont, si vous n'avez vu, c'est vraiment tout petit, le résultat, il est hyper personnel, c'est très intimiste. On assiste à des échanges vraiment improvisés, mais sincères entre Arnaud puis ses amis ou ses moins amis. Mais je croyais que c'était un comédien, c'est un monsieur... C'est vraiment un monsieur tout le monde. Je ne sais pas comment Nescafé l'a trouvé. Ils ont peut-être fait un concours, habituellement, le genre... Parce qu'il est vraiment très sympathique, il est très à l'aise devant les caméras. Très attachant, puis vraiment, les échanges avec ses amis, c'est hyper sincère. Vraiment, on est accroché. On pourrait sentir le stunt publicitaire en arrière de ça, surtout qu'il arrive avec 2 tasses de café à la main, puis on voit en gros le logo Nescafé. Oui. Mais c'est pas du tout invasif. C'est vraiment hyper sincère, très intimiste. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Donc, plus d'une 20aine de clips qui ont été faits, puis c'est très drôle aussi. Ça donne le goût d'appeler ses amis pour aller prendre un café. Oui, ça pourrait peut-être en stimuler quelques-uns. Et moi, j'ai vu personnellement celui avec son fantasme Facebook. Et, qui veut rien savoir de lui. Qui veut rien savoir de lui, finalement, parce qu'elle a déjà quelqu'un dans sa vie. Mais c'est vraiment très, très sympathique comme initiative. Donc, on va évidemment glisser le lien sur notre page Facebook des Oranges Pressées après cette chronique. Absolument. Les comédiens Vincent Gratton, Christian Bégin et Réal Bossé, très connus ici au Québec, se rencontrent sur le web. Oui, mais en fait, ils se rencontrent, mais on parle ici d'un premier épisode d'une nouvelle série aussi. On est dans la web-série ce matin, qui s'appelle Les Gentlemen, qui est une série qui propose l'échange de 3 personnes de différents milieux qui se connaissent pas nécessairement dans un café ou autour plutôt d'un café. Donc, parce que bâti sur la prémisse que les femmes aimeraient tellement savoir ce qui se passe dans la tête des gars, comprendre ce qui les motive, comment ils pensent. On s'entend que les gars, on parle pas toujours beaucoup. Donc, le magazine Châtelaine, via sa plateforme web, a mis en ligne ce nouveau concept-là. Les gentlemen, donc, qui est une contraction des mots, on l'aurait deviné, de gentleman et mal. Le concept est super simple. 2 heures, 3 gars, 4 caméras, puis pas de journaliste pour poser des questions. Et on y va comme ça, puis on s'étend. Ad lib. Voilà, exactement. Radio-Canada avait fait une expérience similaire il n'y a pas si longtemps sur la première chaîne où on avait vraiment une conversation pendant 1 heure entre 2 personnalités. Un après-midi à la table d'à côté. Exactement. Mais c'était avec un face-à-face entre 2 personnes connues. C'était peut-être un peu scénarisé. Dans le cas ici, il n'y a aucune question posée. Il n'y a aucun scénario. C'est vraiment un échange de 3 gars autour d'un café. Donc, pour la première rencontre, on suit la discussion de Vincent Gratton, Christian Bégin et Réal Bossé, qui ne sont pas des amis dans la vie. Et s'ensuit un échange non censuré. Je veux dire, on s'entend que quand tu as 4 caméras qui te filment, c'est peut-être un petit peu plus censuré qu'on prévoit et un petit peu moins authentique. Mais de toute façon, on va en écouter un extrait, ça va vous donner une idée de ce que c'est. Mon fils, il y a quoi? Il y a 14 ans. Puis là, je vais y acheter son premier coffre d'outils parce qu'il veut les miens. Là, je fais non, je joue pas avec mes outils, c'est pas vrai, là. Je te connais, il va se faire traîner partout, là. C'est normal. Acheter un coffre d'outils. Fait que là, je fais comme OK. Là, je m'en vais dans le magasin, puis je ramasse un stock de base. Je fais comme ça, ça sironce, ça scie sauteuse, ses affaires. Puis je fais comme OK. Je mets ça dans une boîte en plastique à roulette, puis je fais comme ça, c'est ça. Puis je voyais à l'angle dans le coin, l'œil brillant, puis je fais comme. Sironce, je sais que mon père, il est vraiment en train de me dire, t'es un homme. Oui, j'étais en train de me dire, t'as le droit d'initier à ça. Donc, voilà, on parle vraiment de trucs de gars, on parle du coffre d'outils. Est-ce que moi, ça m'a interpellé? Pas nécessairement parce que je suis pas très, très coffre d'outils, mais il y a d'autres choses qui sont quand même hyper touchantes, comme par exemple Vincent Gratton, un moment donné, il parle de son père, quand il parle de leurs enfants, c'est quand même, ça nous interpelle tous. Donc, c'est un 2 heures qui est condensé en 20 minutes d'adlib entre 3 personnes. Les Gentle Mâles. Oui, on annonce un épisode par mois et on annonce aussi différents castings à chaque épisode. Et en terminant, un site web qui m'a fait bien rire. En fait, c'est un Tumblr qui s'appelle Les études à la con. Oui, bien, en fait, ça a été ma semaine des Tumblrs. Je suis tombé sur 4-5 d'entre eux, dont celui-là qui s'appelle Études à la con, qui présente différentes études ridicules. On en croise tout, surtout sur les réseaux sociaux. C'est vraiment hallucinant. Pour faire du remplissage, souvent aussi dans les quotidiens, une semaine qui n'a pas trop d'actualité. On demande-tu un sondage pour le fun à tel film? Puis voilà, c'est vraiment le genre de sondage. Donc, j'en ai relevé 3 ici. Donc, pourquoi il est normal d'avoir envie de dévorer un chaton? Mais on ne parle pas ici de manger carrément, mais par contre on parle d'agression mignonne. Donc c'est-à-dire comme par exemple quand tu vois un bel enfant qui envie de squeeze les joues là, c'est dévorer, le même principe. Deuxième, on est en Asie là, dévorant un chaton. Non, pas encore. Deuxième, trop de télévision nuirait au sperme. Donc basé sur une étude, si tu écoutes plus de 20 heures de télévision, ta qualité de ton sperme est inférieure. Fouille-moi pourquoi. Je crois qu'il y avait un lien avec l'activité physique, parce que si tu écoutes trop la télévision, tu fais moins d'activité physique, et là, la qualité du... Je pense il y avait quelque chose comme ça. Mettons qu'on peut étirer certains... Ouais. Et le dernier, et non le moindre, le pire voisin de bureau est celui qui sent fort. Donc, dans une proportion de 32%, les gens détestent que leur voisin sente mauvais. Ben, c'est une réalité, écoute. Ça arrive, mais ce n'est pas ton cas, Marc-André, laisse-moi t'assurer. Je m'en allais te faire la même blague, Patrick. Trop vite. Patrick Dion, merci beaucoup. Hey, merci à vous autres, bonne semaine. Tous les liens seront sur notre page Facebook des Oranges Précis.